Voici, à une heure, la deuxième série de larges extraits de « L'homme qui rit », roman de Victor Hugo, publié en 1869. Rare et court résumé, choix des extraits et enregistrements de Jean-Paul Alexis, juillet-août 2018.